La chronique des saignées de Chicoutimi avec notre collaborateur Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Ça Danny, va ça va bien, bien? ça va bien. Sébastien, avant de parler des deux matchs de la fin de semaine, hier j'ai fait une entrevue avec David Simard pour les Comets de Chicoutimi. On n'est pas content du côté du patinage de vitesse. Mais je lui disais d'entrée de jeu que pour les Saguenayens, c'est quand même une bonne affaire parce que je me rappelle de l'entrevue, pas de l'entrevue, mais Frédéric Tremblay de Radio-Canada avait préparé quelque chose de très intéressant l'an dernier. Et il me disait que depuis que les Sags étaient sur une patinoire olympique, l'affiche était beaucoup plus difficile. Exactement. C'est très. Les gens pensent que ça ouvre le jeu d'avoir 15 pieds de plus sur 15 pieds de plus large sur une glace de dimension olympique, dimension internationale. Mais c'est tout à fait le contraire. Après consultation avec des gens qui connaissent ça, c'est beaucoup plus facile de jouer le système de la trappe en plaçant trois joueurs de large plus deux en avant dans le territoire neutre pour bloquer les entrées de territoire des équipes adverses, ce que la plupart des équipes appliquent comme plan de match quand ils se présentent au Centre Georges Vézina, qui donne souvent des spectacles un peu moins offensifs. Heureusement, les Sags ont réussi à marquer un peu plus de buts cette année que dans les années passées, mais ça reste que c'est un peu plus difficile de rendre justesse au spectacle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de par les ajustements faits par les équipes adverses quand ils se présentent ici. Mais juste te dire que les Sags, oui, on aimerait avoir une grandeur normale comme les 17 autres équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais on ne fait pas de pression auprès de la ville. Il n'y a pas de lobby auprès de la ville. L'idée est sur la table présentement dans le gros projet. Puis je me mets à la place du patinage de vitesse courte piste et je serais moi aussi très choqué d'apprendre via les médias que ça sort et qu'on a comme projet de peut-être réduire la largeur Mais de la patinoire. Fred, c'est pas évident pareil, des joueurs, trouver des joueurs, parce que ça, oui, des joueurs plus rapides, mais dans le style de jeu, tu arrives à l'étranger, puis c'est un autre style différent, là. Exactement. Sur les plus petites glaces, les sacs doivent s'ajuster. De par de pour ça que après à peu près à chaque voyage sur la route, l'entraînement qui précède, mettons qu'on part comme la fin de semaine, le samedi et le dimanche, à Victoriaville ou à Gatineau, ben, le vendredi, on va aller s'entraîner à Lucac au pavillon d'agriculture pour être plus près sur une dimension de glace normale. Tu sais, c'est pas pour rien que les 60 équipes de la Ligue canadienne de hockey ont une grandeur normale de patinoire, parce que c'est là-dessus que ça se joue le hockey en Amérique du Nord. Ici, je peux comprendre l'idée, le projet, c'était d'attirer des rendez-vous internationaux dans le patinage de vitesse courte piste, mais malheureusement, la Fédération internationale a signifié il y a ça quelques années qu'il ne viendrait plus jamais pour des compétitions internationales au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à mon grand dam, parce que ça faisait un succès des événements. Vous l'avez vu à l'Aréna Maurice Richard récemment, une Coupe du Monde, il n'y a pas personne dans les estrades, ça passe inaperçu, alors que quand ça vient ici, ça fait un événement international grandiose, mais on a déjà dit qu'il ne viendrait plus. Donc, à partir de ce moment-là, il faut prendre des décisions. Marianne Saint-Gelais, l'exemple sera peut-être un peu boiteux, mais elle s'est entraînée la plupart de sa vie à Saint-Félicien. Ça n'a pas fait d'elle une moins bonne patineuse de vitesse courte piste. C'est une championne. Oui, effectivement. On va parler des deux matchs des Saguenayens. On va parler contre Victoriaville, une belle victoire de 7-3 ce coup-là. Exact. Ça a été un match où tout presque, peut-être quelques erreurs défensives sur les trois buts des Tigres, mais quand même, quand tu marques 7 buts, généralement tu remportes des matchs. Ça a été un festival offensif. Tout fonctionnait pour Jonathan Boursier, entre autres, qui ramassait des rondelles autour du filet. Il était bien positionné au bon moment. 4 buts plus une passe, entre autres. C'est son deuxième match de 4 buts de la saison. Il avait jamais fait ça de sa vie dans le junior. Déjà plus de points que dans toute sa carrière précédente dans le hockey junior, Jonathan Boursier, juste avec le début de la saison cette année. Jumelé avec Nicolas Roy et le nouveau venu Taylor Cooper pour l'occasion, Alexandre Jacob qui avait été rayé de l'alignement pour les matchs de la fin de semaine. On en veut plus de Jacob, mais il y a un gars qui est arrivé, le 89, Taylor Cooper, qui fait très bien, un très bon coup de patin, un gars qui est capable de se positionner de belle façon, un bon préparateur de jeu, quelqu'un qui est capable de donner des bonnes mises en échec à part de ça, de par son physique, n'a pas peur d'aller dans le trafic, a joué avec les Bœufs de l'Ouest pendant le début de sa carrière junior. Il n'y a rien qui lui fait peur, je pense, dans le junior majeur québécois. C'est une ligue un peu moins physique que dans l'Ouest, est capable de suivre le rythme. On n'a pas perdu beaucoup, je dirais, sur le trio en l'absence de Gabriel Paquin-Boudreau, mais c'est plus sur l'attaque à 5. C'était le quart arrière de l'attaque à 5, Gabriel Boudreau, pour distribuer les rondelles. C'est là que ça fait un peu plus de différence, et je pense que Cooper va être intégré de plus en plus dans les prochaines semaines sur l'attaque à 5 des Bleus, sur la première vague de l'attaque à 5 des Bleus. Et de le jumeler avec Boursier, avec Roy en fin de semaine, ça a donné des feux d'artifice du côté de Victoriaville dans le monde. Il n'y a pas une équipe de l'Ouest qui l'a réclamé. Il y a un bon physique quand même. Dans l'Ouest, il y a un surplus de joueurs, je pense, de 20 ans cette année. C'est une conjoncture bizarre. Yannick s'est fait parler de ce joueur-là alors qu'il était de passage à Halifax il y a de ça 2 semaines pour un tournoi de hockey midget là-bas. Il y a un agent qui est allé le voir, il y a un de mes prospects qui est disponible dans l'Ouest. Il n'y a pas une équipe qui l'a réclamé. C'est un joueur qui a marqué 60 points l'an passé dans la Ligue de l'Ouest. Il a été blessé au début de la saison. On n'a pas pu se faire valoir. On l'a retranché de son équipe, les Pats de Regina. Et il est disponible. Veux-tu l'avoir dans ton équipe? Ils ont fait quelques démarches pour s'informer sur le joueur et ont reçu des bons rapports, l'ont amené avec les Sags. Ça n'a rien coûté, à part quelques frais de libération de la Ligue de l'Ouest à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais il n'y a pas d'échange là-dedans. Donc, c'est une belle prise de Yannick Jean. Là, des Et dans l'autre match, défaite cette fois, contre Gatineau. Exact. N'eût été de la deuxième période, ça aurait été un tout autre résultat. Les Sags qui sont capables de challenger les équipes du haut de classement, mais sur 60 minutes, sur un 4-7, ça va être différent, je pense, pour la série éliminatoire. Tu sais, on l'a vu, beaucoup de profondeur, 4 trios capables de jouer du hockey dans la LHJMQ pour les hommes de Benoît Gros, des défenseurs physiques, mobiles, un gardien qui a fait les arrêts que Ramit Bauer dans le match de dimanche contre les Sags. C'est toujours pas facile de aller jouer à l'aréna Robert-Guertin. Et là, ils sont vraiment très, très, très forts. Je vois pas comment les Cataractes de Shawinigan, honnêtement, vont réussir à compétitionner avec Gatineau et encore moins avec les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or qui sont dans le haut du classement général de la LHJMQ. Gatineau, là, je pense, c'est la si on me faisait un power ranking, ce serait Rouyn-Val-d'Or et Gatineau, à mon avis, et Shawinigan quatrième, peut-être même devancé par les Wildcats de Moncton, mais eux jouent dans la division, encore une fois, plus faible, je dirais. On le voit avec les dossiers de Garden, qui marquent à peu près 4 à 5 points par match quand il joue avec les équipes des Maritimes. Quand il arrive dans l'Ouest, c'est 1.5 à peu près, un point par match, sa moyenne de but, sa moyenne de passe à Garden. Donc, je dirais que tu as Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Gatineau maintenant, top 3 de la LHJMQ pour le moment. C'est-tu pensé une finale Rouyn-Noranda, Val-d'Or, comment classant à 17, ce serait épouvant, ce serait fou, ce serait fou. Ouais, exact. Plusieurs le souhaitent pour plusieurs raisons. Parce que, bon, c'est des petits marchés, c'est des marchés éloignés, c'est difficile économiquement pour les deux équipes, sauf quand ils s'affrontent l'un et l'autre. Ça fait des matchs, semble-t-il, où il y a des autobus qui partent de Val-d'Or, s'en vont à Rouyn, vice-versa quand c'est du côté de Val-d'Or. Il y a une belle rivalité, ça joue du gros hockey, et cette année particulièrement, si tu regardes le classement général, les points, c'est les deux équipes qui ont plus de victoires, moins de défaites et tout ça cette année. Je leur souhaite honnêtement, parce que pour eux, pour la survie des concessions en Abitibi, ce serait économiquement plutôt très, très, très viable. En plus, les médias nationaux se déplaceraient pour aller visiter les deux marchés, Val-d'Or et Rouyn, qui l'ont pas facile. C'est pas facile à tirer des joueurs là-bas, malgré le fait qu'ils ont des bonnes équipes année après année. De remporter, de se présenter à la Coupe du Président, les deux organisations ensemble, ce serait une maudite belle affaire pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, et une très belle rivalité entre les deux marchés. Je parle à Gilles Bouchard de temps à autre, puisqu'il vient de Normandie, Gilles. Fait que je l'appelle de temps à autre, puis il me le confirme. C'est vraiment spécial. C'est une rivalité canadien-nordique facile. Facile. Exact. Ouais. Tu sais, toute proportion gardée. Mais tu sais, ça se rapproche beaucoup Saguenay-Rempart et même peut-être un peu plus avant, je dirais, les niaiseries de quelques années entre Jonathan Roy et Bobby Nadeau, là, quand ça commençait à mal virer. Mais avant ça, c'était la plus belle rivalité de la LHJMQ. Maintenant, je dois dire que celle entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda est la meilleure de la Ligue d'hockey. Sébastien, on se parle mardi prochain avec la Sébastien Morin, descripteur des matchs des Sags.